Bonjour mes frères et sœurs, et nous allons ce matin terminer le chapitre 2, et ça va être la dernière vidéo aussi de la semaine, il n'y en aura pas demain. On va revenir la semaine prochaine pour le troisième chapitre. Notre bon Père du ciel, oh que c'est bon de connaître nos origines. C'est bon. C'est bon qu'on sache ce que tu as fait pour l'être humain, pour avoir une relation avec lui. Comment tu as créé le monde, la terre, le paradis terrestre? Comment tu l'as fait à ton image, à ta ressemblance? Comment tu as fait de lui une âme vivante? Tout cela pour qu'il te connaisse, pour qu'il te voie spirituellement, pour qu'il te contemple, pour qu'il apprenne et qu'il adore, qu'il loue, qu'il serve son Dieu. Continue à nous instruire ce matin. Aide-nous à comprendre et à voir l'apparition de la deuxième personne qui était la femme d'Adam, qui était Ève. Aide-nous à saisir peut-être pourquoi tu le fais pas en même temps, d'une autre façon, elle aussi. Au nom de Jésus. Amen. Nous avons vu, n'oubliez pas, on n'est pas dans un débat entre l'évolution et la création dans une université McGill, comme exemple, comme j'ai déjà assisté. On n'est pas là. On est dans le désert avec le peuple d'Israël qui reçoit ce livre-là. Il faut comprendre pourquoi Dieu lui a donné. Dieu lui a donné à l'homme, aux Juifs, dans le désert pour le ramener, pour lui donner une compréhension de Dieu, son Créateur, qu'il avait complètement égaré à travers ses 400 ans d'esclavage en Égypte. Le peuple d'Israël ne connaît pas du tout ou très mal son Dieu, le Dieu qui l'a créé. Donc Dieu se révèle à travers Moïse. Il dit à Moïse, je vais te donner de l'information que tu vas transmettre à mon peuple pour qu'il me connaisse. C'est ça le but. Donc, ça c'est le but. On a vu ça ensemble, et on dit, je vais te dire que c'est moi qui ai créé les cieux et la terre, c'est moi qui ai créé tout ce que vous voyez, c'est moi qui ai créé l'homme et la femme à mon image, à ma ressemblance, c'est moi qui ai donné à l'homme de dominer sur la terre. Donc, c'est pas des oiseaux, c'est pas des lions avec des ailes, c'est pas des crocodiles, c'est pas des agneaux, tous les dieux d'Égypte que je tentais de nommer là. Non. Il dit, c'est moi. Et je vous ai donné à vous le contrôle de dominer. Donc, je me révèle à travers la création, je me révèle dans le fait que vous êtes à mon image, à ma ressemblance, et que vous dominez. Et on a vu, ces jours derniers, qu'il nous a donné maintenant, il nous a créé à partir de la terre, et il nous a donné un esprit ou un âme, on est un âme vivante, ce qui nous différencie de toute la création, pour qu'on puisse communiquer avec lui, croire en lui, parler avec lui, l'adorer, le louer et le servir. Qui était la raison d'être de tout ça. On a vu ça ensemble. On a vu que Dieu l'a créé parfait, sans tache, pur, une terre pure, sans péché. Il a fait un beau petit nid, tu pourrais dire, le paradis terrestre, le jardin d'Éden. Il lui a dit, tu as tout ici ce que tu as besoin pour vivre éternellement. Non, tu reflètes, parce que tu es un âme vivante, que je suis un âme vivante, je suis un esprit vivant, tu reflètes aussi ma personnalité, tu peux aimer, tu peux parler, tu peux réfléchir, tu es un être intelligent, tu peux faire des choix, comme moi, tu reflètes qui je suis. C'est pour ça que je t'ai créé comme ça, pour refléter que moi, je suis comme ça. Mais vu que je prends des choix, je fais des décisions, je veux maintenant te donner aussi un choix. Ne mange pas de l'arbre de la connaissance du bien ou du mal, tu mourras. Maintenant, on va voir ce matin l'arrivée de la femme dans le paradis terrestre dans la vie de l'humanité, dans la vie de Adam. Lisons à partir du verset 18 jusqu'à 25. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. » C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte. Donc ici, nous avons l'arrivée de Ève, de la femme. C'est pas l'homme qui comprend qu'il n'est pas bon qu'il soit seul. C'est Dieu qui le comprend. L'Éternel Dieu, il n'est pas bon que l'homme soit seul, et je lui ferai un être semblable à lui. Donc, Dieu va créer à l'homme un aide, quelqu'un de semblable à lui. Donc, si elle est semblable à l'homme, elle va être aussi semblable à Dieu, parce que l'homme est semblable à Dieu. Elle aussi va devenir une âme vivante, parce qu'elle est semblable à l'homme. Donc, ils vont ensemble accomplir le plan de Dieu. Ensemble, ils vont refléter Dieu. Le but, c'est cela. Le but, encore une fois, c'est pas que l'homme s'ennuie, l'homme est pas ben capable, donc je vais y faire une femme qui va le rendre sa demi, comme on dit, des fois. C'est pas ça le but. Le but, c'est pas l'homme. C'est le même but que toutes les autres choses qu'on a vues jusqu'à date. C'est l'homme doit refléter son Dieu, son Créateur. Donc, il dit, l'homme et la femme ensemble vont mieux refléter Dieu, vont mieux faire comprendre qui est Dieu, étant ensemble les deux. Les deux êtres qui sont semblables l'un l'autre, qui sont aussi semblables à leur Dieu. Alors qu'on avait vu au chapitre 1, il les a créés à son image, il les a créés à sa ressemblance, homme et femme. Donc, les deux ensemble, on sait ça. Donc, l'Éternel, pour que l'être humain, pour que l'homme, Adam ici, comprenne que Dieu va lui faire une femme, qu'il comprenne le besoin, le bien fondé de cela, dit Dieu, l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme. Chapitre 1, on n'avait pas vu qu'ils avaient tiré de la terre, mais ici, il semble qu'il a tiré tout cela de la terre, comme il avait tiré l'homme de la terre. Maintenant, il dit, il fait venir tous ces animaux-là, et les fait passer devant lui, pour voir comment il les appellerait. Donc, on voit ici l'être humain qui domine. C'est lui. Dans la culture juive, celui qui donne le nom est au-dessus. C'est lui qui a l'autorité. Il dit, il donne aux animaux des champs, aux oiseaux du ciel, des noms. Et au verset 20, l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais l'homme ne trouva point d'aide semblable à lui. L'homme voit que quand ils viennent à lui, ils sont probablement deux par deux, comme ils vont venir dans l'âge de Noé, je ne sais pas. Donc, ils viennent à lui. Tu fais venir juste un? Non, je crois qu'il a fait venir les deux, les mâles et femelles. Ils ont fait venir ensemble. Ils ont donné des noms. Et là, il voit que lui, il n'y en a pas. Et qu'il n'y en a pas d'autres comme lui. Il est tout seul. Il se rend compte, à ce moment-là, que il y a besoin d'un aide. Je me pose la question. Vous avez peut-être votre propre réponse. Je me pose la question. Est-ce que Dieu avait partagé à Adam son besoin? Est-ce qu'il avait dit, tu as besoin? C'est pas marqué, en tout cas. Mais, on voit au verset 20 qu'il trouva point d'aide semblable à lui. Donc, il réalise, là. Bon, est-ce qu'il a fait cela pour voir? Ou c'est juste Dieu qui voulait qu'il réalise qu'il n'y en avait pas? Mais au moins, il se rend compte, dit, bon, ok, j'ai terminé de donner des noms, je vais aller souper. Non, il réalise. Il trouve pas un aide semblable. Donc, il cherchait. Quand je trouve pas quelque chose, que j'ai l'impression qu'il cherchait. Il voulait avoir une compagne, une femme. Donc, Dieu va intervenir. Alors, l'Éternel, Dieu, fit tomber un profond sommeil à Adam et il fait une incision, va chercher une côte, referme tout ça, chirurgie parfaite, et à partir de la côte, il crée une femme. Ça a son importance, vous savez. Dieu fait jamais rien pour rien. C'est pas du spectacle. Il crée l'homme à part du restant de la création. Il le crée en premier. Ensuite, de l'homme, il prend une partie de l'homme et il crée la femme. Après qu'il ait créé la femme, donc la femme, il n'a pas besoin de lui insouffler une âme vivante, elle l'a parce que Adam l'avait et elle était créée. C'est pour ça que je vous dis, on peut pas se séparer. Bon, ok, ça c'est le côté physique de la femme, j'ai pris un os d'Adam, puis ça va être le côté physique, puis il va falloir que je donne aussi un âme. Non, elle l'a. Je crois que quand on donne la vie à un enfant, peut-être, on transmet aussi notre âme. Okay? L'enfant vient au monde avec son âme. Parce que je me reproduis complètement. Donc, la femme ici, elle devient semblable à l'homme. Et l'Éternel forma une femme de la côte, au verset 22, qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Et l'homme voit, comprend qu'elle est comme lui, qu'elle est semblable à lui, qu'elle est une compagne pour lui. Il dit, l'accepte. Et il dit, on l'appellera femme parce qu'elle a été créée, prise de l'homme. Pour nous autres, ça fit pas tout à fait, ça se demande pas aussi bien que les deux mots, là, dans la langue originale se complètent. Comme, en anglais, ça dit, ça se voit mieux. Man, woman. OK? Donc, dans la langue originale, c'est la même racine de mots, mais on rajoute au mot une lettre ou quelques lettres et on il dit, maintenant, elle est chair de ma chair, os de mes os. Elle est une compagne. Et ensemble, à l'heure d'eux, hommes et femmes, quand on regarde le couple, on voit mieux Dieu. Ça reflète plus la personne de Dieu. Ça glorifie plus Dieu. Ça démontre la communication qu'il y a entre l'invisible et le visible. L'homme et la femme sont créés de la façon qu'ils ont été créés pour démontrer aussi un ordre. Je crois que le Nouveau Testament nous en parle de cet ordre-là. À quelques reprises, dans le Nouveau Testament, on donne là Dieu, l'homme, la femme. Donc, et l'apôtre Paul va en parler. L'homme a été créé en premier et ça a une importance. Pas dans la valeur, pas dans le Dieu aime plus les hommes que les femmes. Dieu n'est pas homme, il n'est pas femme. Mais s'il se fait de même, c'est pour démontrer, je crois. Si moi, j'étais tiré de Dieu, j'étais après Dieu. Si la femme était tirée de l'homme, elle est après l'homme. C'est pas que c'est plus important, ou c'est meilleur, ou c'est inférieur. Non! C'est que Dieu est en train de démontrer, parce que, rappelez-vous, c'est toujours pour démontrer, donc je dois tirer, dire, qu'est-ce que ça me montre par rapport à Dieu, que Dieu a créé l'homme avant la femme, et la femme après l'homme, à partir de l'homme? Qu'est-ce que j'apprends par rapport à Dieu? C'est ça que je vais me poser la question. C'est pas, ah, oh, mais là, moi, je suis une femme, les hommes, des mieux. La soumission, c'est pas ça! Ça, c'est notre génération qui est comme ça. C'est notre culture qui fait ça. Mais, frères et sœurs, quand je regarde bien, l'homme vient de Dieu et la femme vient de l'homme. Tous créés par Dieu. Et je crois personnellement qu'il est en train de démontrer, vous êtes sous moi parce que vous venez de moi. Dieu, et là, l'homme vient de lui, donc est en bas de Dieu, et la femme est en bas de l'homme, mais ils dominent toutes les deux. Ils ont la même, sont faits à l'image de Dieu toutes les deux. Ils ont la ressemblance de Dieu toutes les deux. Sont un âme vivant toutes les deux. Ils ont accès à tout le jardin d'Éden toutes les deux. Ils ont accès à l'arbre de vie toutes les deux. Ils vont mourir toutes les deux, ces images de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est tout pareil. Mais cette façon-là de créer par succession me démontre l'ordre que Dieu a voulu que ce soit. Et ça m'apprend que Dieu, lui, il est comme ça. Vous êtes tous en dessous de moi parce que vous venez tous de moi. Je crois que c'est ça qu'il faut apprendre de cela et non pas commencer à s'ostiner qui est plus important, l'homme, la femme, la soumission, pas soumission. Ça, ça n'a pas d'importance. Nous sommes là, frères et sœurs, n'oublions pas. Ce qui se passe là, c'est avant la chute. C'est pas la chute qui a amené ça. C'est comme ça que Dieu les a faites avant la chute. Pas pour qu'on chicane par rapport à ça. Pas que l'harmonie soit brisée entre l'homme et la femme par rapport à ce texte-là. Mais pour qu'on voit que, vu qu'on vient de Dieu, il est plus important que nous. Nous sommes là pour lui. Nous sommes là pour lui. Comme la femme est là pour l'homme, a été créée pour l'homme. La Bible nous en parle, ça. Mais tout ceci, c'est dans l'ensemble que finalement, quand ils vivent dans le paradis terrestre, ça les amène pas de la chicane entre eux autres, ça lui fait pas ah, sois soumise, ma femme, là. Mon mari aime moi, là. Ça par rapport, ça existe pas, ça, dans le jardin d'Éden. Ça n'existe pas. Donc, ça causait pas de problème chez l'homme et la femme. Ça causait pas de problème chez l'homme et la femme. C'est le péché qui va causer le problème avec cela. C'est le péché qui fait de la chicane par rapport à ces textes-là. C'est pas la façon que Dieu les a faites. Et là, on a au verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Le verset très bien connu par rapport au mariage. Mais ici, je suis pas sûr que le texte voulait faire penser au mariage comme penser à se multiplier. Vous vous souvenez au chapitre 1, Dieu avait donné une image plus générale de la création. Il dit, il les créa à son image, à sa ressemblance, et il a dit, allez et multipliez-vous et remplissez la terre. Jusque là, dans notre chapitre 2, l'homme était seul. Donc, pour qu'il puisse se reproduire, ça lui prend un aide semblable à lui. Ça lui prend quelqu'un qui va être avec lui, qui va pouvoir se multiplier et remplir la terre, ainsi accomplir le commandement de Dieu. Ici, je crois personnellement que le texte parle que l'homme va quitter père et mère, sa femme aussi, ils vont créer une nouvelle entité, et ils vont se reproduire, devenir une seule chair. Ici, je pense que c'est relations sexuelles et avoir des enfants. Je crois que c'est ça. Si vous voulez en mettre plus, vous êtes au moins obligé de faire comme moi, de dire que c'est au moins sexuel. Mais je crois que c'est ça que le texte nous parle ici. L'homme et la femme, maintenant, vu qu'ils sont créés mâles et femelles, ils vont se reproduire physiquement et esprit ou âme, et ils vont remplir la terre comme Dieu leur a demandé. Et là, le texte nous termine en disant, l'homme et la femme étaient tous de nus, il n'y en avait point honte. Je crois que c'est la même façon de nous dire ici que le péché n'existe pas, le mal n'existe pas encore. La honte n'existe pas. Quand le péché va venir, on va voir la semaine prochaine, quand le péché vient, L'homme a honte de sa nudité. Et a honte, il ne veut pas que Dieu le voie dans sa nudité non plus. Il ne veut pas se voir ni l'un ni l'autre. Ils se mettent des feuilles, ils s'habillent, ils se protègent leur nudité l'un l'autre, mais aussi devant Dieu. Pour bien comprendre cela. J'espère que ça va vous aider. Il faut analyser le texte avant la chute, et non pas nous qui sommes dans la chute, essayer de l'analyser pour la comprendre, parce que nous, on est après la chute. Donc, il faut comprendre qu'ici, l'harmonie régnait entre l'homme et la femme, dans le jardin d'Éden, malgré que Dieu, l'homme, la femme, malgré que c'était comme ça, c'était créé comme ça, hein? Ça n'amenait pas de la chicane, ou de l'amertume, ça n'a pas brisé l'harmonie. C'est le fait de manger de l'arbre qui va briser de l'harmonie entre l'homme et la femme, et entre l'homme et la femme et leur Dieu. Notre bon Père du ciel, merci de nous avoir montré, encore une fois, que juste toi est important. On ne doit pas se faire du mal parce qu'à ce qu'on chicane entre nous, mais la façon que tu nous as créés, différents, avec une chronologie même différente. C'était pour mieux refléter Dieu, pour mieux refléter la gloire de Dieu, la sagesse de Dieu, l'intelligence de Dieu. Ne cherchons pas à régler nos désaccords pour se sentir mieux, mais de comprendre qu'avant nos désaccords, on était en pleine harmonie et on reflétait qui Dieu est. Le but de la transformation de l'être humain par la nouvelle naissance et par la résurrection, c'est de refléter Dieu. C'est de refléter Dieu, c'est pas autre chose que ça. Donc, guide-nous, encore une fois, dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu dis.